L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous. Vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Hier, c'était évidemment la troisième édition de cette magnifique et grande émission qu'est Belgium sans talent. Eh ouais, mais avec un magnifique jury qui ne se cache pas la vérité, hein, n'est-ce pas Carlos, hein, je pense qu'on peut le dire. Alors oui, ce qui est incroyable, c'est ça, c'est que moi j'ai la sensation que la finale qu'on va avoir, eh ben, on n'a pas de honte à avoir par rapport à la France, par rapport à l'Angleterre, par rapport peut-être à ce qui se fait en Australie. Ah bon, bah dis donc, non mais c'est bien d'y croire, hein, c'est pas mal, surtout quand on entend ça. Non mais il a raison, hein. Il a vraiment raison Carlos, là on doit pas avoir honte, il y a des grands talents comme lui aussi, tiens. J'avais la haine car elle m'a dit que je sentais l'œil. Pour moi c'était la lavande après vous vous tirons. On est pas mal là quand même, je pense, non? Ah là, les trois boss ont retenti. Bon, sinon on a eu aussi un petit peu de culture là. Est-ce que vous connaissez ce métier? Michel et Mickaël. Vous dire que je suis recordman du monde du cassage. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas celui-là? Non. Ah non, pardon, autant pour moi. Autant pour moi. J'ai d'abord eu effectivement le casseur de noix, pardon. Michel et Mickaël. Vous dire que je suis recordman du monde du cassage de noix avec les fesses. Ah bon? Ouais. Je me casse 58 noix en une minute. Et oui, avec les fesses. C'est quand même un beau talent, ça, quand même. Ah, oui, on a des grands talents en Belgique. Ah, c'est excellent. Quand même. Oh là là. Ah, oui. C'est excellent, c'est excellent. Bon, et donc, du coup, j'en venais à la culture, justement. Est-ce que vous connaissez ce métier? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, David? Je suis poilier. Pardon? Donc, je suis poilier. Poilier? Oui, il est poilier. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, justement? Poilier, c'est. On fait la vente, l'installation, l'entretien des poils. Ah, bah voilà. Donc, un mazout. Mais. Ah, des poils. On pensait des poils, là-bas, tiens. J'ai cru qu'il épilait au début. Ah là là, c'est Jean-Pierre Pernaut qui aurait été content, hein, qu'on redécouvre les petits métiers de nos régions, c'était bien. Allez, on va finir sur le meilleur de l'émission, car oui, il y a eu un bon moment, un seul et unique bon moment, le seul clash de la soirée. Vous nous buzzez alors que vous nous laissez même pas finir. Ben non, on te laisse pas finir. Écoute. C'est quoi, ça, on chante la Brabançonne, y'a personne qui la connaît ici. Si, y a pas grand mot qui la connaît. Moi, je la connais par cœur. On la chante dans les trois langues. Excuse-moi, tu dis que tu la chantes. Mais tu la chantes pas très. On est d'accord, bien. Mais le cœur y est. Mais oui, mais enfin, ça fait pas tout le cœur y est. Hein. C'est bien, hein, mais bon. C'est quand même, et le mec, c'est quand même pas chanté du tout. Hein. C'est-à-dire que. Et le mec s'embrouille quand même, hein, tu vois. C'est-à-dire que. Mais c'est marrant, il avait l'accent de DJ Flash. il avait le thème. C'est bien. On a en fait, si j'avais pas vu l'image, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, Flash? Qu'est-ce qu'il était fou, ta Belgium's Got Talent? C'est un truc de ouf. Voilà, bon, Belgium's Got Talent qui. Bah, c'est terminé. Hein. Oh. Pour aujourd'hui. Mais rassurez-vous, Belgium's Got Talent revient la semaine prochaine. Ah, eh oui, on est content quand même, hein. Alors que des talents, on en a, nous. Je suis très cochon et vicieux. Voilà, tu vois, on en a, nous, des talents, hein. Sans déconner, quoi. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. L'armée iranienne a annoncé lundi qu'elle avait testé des nouveaux missiles solaires de moyenne portée conçus pour pouvoir abattre un avion ennemi à une distance de 50 km. Bah au moins, s'ils sont solaires, bah, tout le monde va pouvoir bronzer. Le chef de la police chinoise Wang Yong, ex-bras droit du dirigeant Bo Xilai, dont il a déclenché la chute, a été condamné à 15 ans de prison. Rappelons que le scandale a éclaté lorsque les autorités chinoises ont appris que Bo Xilai buvait du café. Facebook suspend son outil de reconnaissance faciale et efface les données collectées sur les profils des usagers. En utilisant le système de reconnaissance faciale, Franck Ribéry en aurait provoqué l'explosion. Ouais, ça m'étonne pas. Le constructeur japonais Toyota a annoncé qu'il comptait sortir 21 modèles hybrides d'ici 2015 et en vendre 1 million par an. Les économistes ne sont pas d'accord avec ces prévisions. Le problème avec les voitures japonaises, c'est qu'elles sont bridées. Et pour terminer, si vous aimez les drogués et les animaux de compagnie, adoptez un cocker à la ASPA. Oh là là, ça c'était perché, hein, mec. Oh. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah, alors t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs. Le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Et c'est avec Félix qui est avec nous. Salut Félix. On dit Félix ou Félix ou... C'est Femi, F-E-M-I. Femi, F-E-M-I, c'est ça? Oui, c'est bien. D'accord, c'est, ok, c'est très comme, bien. C'est comme l'a écrit l'homme. Oui, c'est comme l'a écrit l'homme. L'homme, il a écrit F-E-L-I, donc on n'est pas loin. À quelques lettres. À quelques lettres près, c'est vrai, on n'est pas loin. Bon, Femi, t'as 28 ans, t'es de Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun Radio à Bruxelles. Et tu es chauffeur, c'est bien ça? C'est bien ça. Voilà, parce que Aline cherche quelqu'un pour la conduire de temps en temps. Ouais, donc, voilà. T'as quoi comme voiture, comme chauffeur? Non, mais je conduis autre chose. Tu conduis quoi? Tram. C'est parfait, elle adore. Oh c'est, bah oui. C'est parfait. Il y a plein de place à l'arrière. Non, en plus, elle a plein de place. C'est tout. Si tu peux privatiser le tram, elle sera ravie. Hein, juste pour elle. Elle pourra se mettre où elle veut, sur n'importe quel siège, devant, derrière. Elle pourra changer en plus. Elle pourra changer quand elle veut, tout ça. Et elle pourra se mettre dans la cabine aussi pour conduire. Toi, tu seras d'un côté, elle sera de l'autre. Et vous allez voir lequel des deux va arriver à y arriver le premier. Tiens. C'est une idée. Elle pourra te faire des petites feintes aussi. Hop, je serai. Ah non, je descends pas. Ou pousser sur l'alarme. Ouais. Hein, pousser sur l'alarme. Saloperie. Ah, je vais kiffer. Ah ouais. Bon, Félix, on va jouer au ni oui ni non, ni vous verrez bien. Le but, oui. Pour que tu puisses repartir avec l'iPod, comme ça tu pourras mettre les écouteurs et pas tomber sur les clients qui viennent te prendre la tête là. Alors, le but est donc très très simple. Il suffit de ne pas dire oui, de ne pas dire non, évidemment. Et de ne pas dire. La. Non. La, ouais, c'est bien, ouais. La, L-A, d'accord. Félix, okay. Ok, très bien, parfait. Donc coupe la radio hein, si tu l'as allumé derrière toi. On y va. D'accord, une minute de conversation la plus logique et la plus naturelle possible. Et si jamais tu réussis à lui faire dire un de ces trois mots sans que toi tu les dises, évidemment, c'est gagné. On y va, 3, 2, 1, bonne chance. Femi ? Allô ? Oui, c'est le fameux. Hop là ! Bravo ! Et eh ben voilà. Je suis désolée, c'était hyper vite. Ça a été rapide. Ah ouais, ben voilà, ben c'est dommage. Ah ben désolée. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Le replay. On y va, on va appeler à Comine donc pour leur poser cette petite question, hein, question existentielle de ce matin. On y va, c'est parti. Alors Comine, personne. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est pourquoi. Oui, voilà, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Bah, vous faites ma gueule, vous avez le bonheur. Mais enfin monsieur. Bah ouais, bah, c'est pas des heures à téléphoner chez les gens, hein. Bah oui, enfin moi je vous appelle pour vous poser une question, c'est pas la peine de le prendre sur ce ton. Bah ça va aller, ouais. Vous avez vu le clair qui est. Vous avez réveillé toute la maison là. Bah oui, j'ai vu l'heure qu'il est, mais bon, c'est pas une raison pour le prendre comme ça, monsieur. Voilà. Bah, vous... je vais pas le prendre bien, hein. Voilà, vous êtes réveillé, maintenant vous pouvez répondre à ma question. Bah non merci, au revoir. Ah ben bah, merci, au revoir. Bon bah c'est pas grave, on va le rappeler encore un petit coup, il avait l'air tellement charmant. On y va, on le rappelle. Allez. Allez, Comine. Voilà. Allô ? Oui, excusez-moi, vous avez coupé, vous n'avez même pas écouté la question. Bah non, bah vous avez vu l'heure. Oui, j'ai vu l'heure, mais ça va, on va pas tourner 1000 fois autour de ça. Bah vas-y, posez-le. Bah voilà, en fait, je me demandais, est-ce que vous pensez que la crème fouettée, c'est... Enfin, les gens qui aiment la crème fouettée, c'est parce qu'ils sont un peu sadomaso ? Oui, j'en sais rien, mais j'en ai fêté, allez. Et c'est pour assez des questions comme ça que vous téléphonez chez les gens. Ah oui. Bah faut pas rigoler quand même, allez. Bah non, moi je rigolais pas, monsieur. Bah allez. Bah non, j'en sais rien, j'ai pas aucune idée. Mais maintenant vous rappelez plus parce que ça fait. D'accord. Il était pas bourré, un manque de ouais. Soit il était bourré, soit il était peut-être très fatigué. Ça, c'est possible aussi. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun.